Chapitre 16e. 8 jours s'étaient écoulés depuis l'orage qui avait ravagé les bords du Léman, et le colonel Chamberlain avait disparu sans que personne sût au Glion ce qu'il était devenu. Le soir même de cet orage, il était rentré à l'hôtel avec Mademoiselle Belmonte, et le lendemain matin au petit jour, un garçon, en faisant les chaussures, l'avait vu sortir. Contrairement à son habitude, le colonel n'avait pas pris le chemin de la montagne, mais tournant à gauche, il avait suivi la route qui descend à Montreux. Cela était si extraordinaire que le garçon l'avait remarqué. Jamais on n'avait vu l'Américain aller au village, si ce n'est le jour où il avait fait un voyage à Genève. Mais à cette heure matinale, il était trop tôt pour prendre le chemin de fer ou le bateau à vapeur. Alors, où était-il? Mais le garçon ne s'était pas arrêté à cette question. L'Américain avait bien le droit d'aller et de venir comme bon lui semblait, et dans ce fait d'une promenade à Montreux, il n'y avait pas de quoi provoquer bien vivement la curiosité. C'était seulement en ne voyant pas le colonel revenir au Glion que ce garçon avait parlé du départ matinal dont il avait été le témoin. Car cette disparition avait provoqué, bien entendu, de nombreux commentaires. Comment ? Le colonel Chamberlain avait quitté l'hôtel et son valet de chambre lui-même n'avait pas été averti de ce départ. Mais à côté des commentaires des indifférents et des curieux, s'était manifestée l'inquiétude des intéressés. Le prince Mazzazzoli, Carmelita, la comtesse Belmonte avaient à tour de rôle interrogé Horace en le pressant de questions. Où était le colonel? Avait-il parlé d'un prochain départ? Quand et comment était-il parti? Quand devait-il revenir? À toutes ces questions, Horace était resté sans réponse, stupéfait lui-même de ce départ que rien ne faisait prévoir. Et alors il était entré dans des explications desquelles résultait la présomption, pour ne pas dire la certitude, que le colonel était, la veille même de son départ, décidé à prolonger son séjour au Glion. Cependant, il était parti. Pour aller où? C'était là que s'était placé le récit du garçon d'hôtel, qui avait raconté que le colonel, au lieu de se diriger vers la montagne comme de coutume, avait pris le chemin de Montreux. Il n'était donc pas parti pour une simple promenade, et cependant il n'avait pas emporté de bagages. Alors il allait revenir d'un instant à l'autre. C'était ce que Carmelita s'était dit, bien qu'elle ne pût guère s'expliquer ce brusque départ, alors qu'elle avait de si puissantes raisons personnelles pour croire qu'il allait rester près d'elle. Elle avait attendu. Il n'était pas revenu, ni le soir ni le lendemain. L'inquiétude alors avait été croissante à mesure que l'attente s'était prolongée, mais en prenant, bien entendu, un caractère différent chez chacun. Ce que Carmelita avait éprouvé, ça avait été une stupéfaction morne. Évidemment, elle ne comprenait rien à ce départ. Comment il était parti? Comment il ne revenait pas? C'était là les deux phrases qu'elle se répétait toute la journée, assise à sa fenêtre, les yeux fixés sur la route par laquelle dès lors il devait remonter. Mais il ne paraissait pas dans cette route. Des étrangers, des curieux, des promeneurs, des voitures se montraient de temps en temps et de loin lui faisaient prendre sa lorgnette, mais lui, jamais. Parti. Parti sans un mot d'explication, alors qu'il n'avait qu'à frapper à la cloison, était-ce possible? Cependant, cela était. Non seulement il n'avait pas frappé à cette cloison, non seulement il n'avait rien dit, mais encore il n'écrivait pas. C'était donc une séparation. C'était une fuite. Mais Horace, comment restait-il à l'hôtel? Si le colonel Chamberlain avait voulu fuir, ainsi que cela paraissait résulter de l'examen des faits, comment n'avait-il pas emmené son valet de chambre? Comment n'avait-il pas, depuis son départ, appelé Horace près de lui? Il y avait là quelque chose de mystérieux, d'inexplicable qu'elle ne comprenait pas, et qu'elle tournait et retournait dans son esprit troublé, sans arriver à une solution satisfaisante. 20 fois, elle avait fait appeler Horace pour l'interroger. Pas de lettre de votre maître? Non, mademoiselle. Pas de dépêche? Non. Et que comptez-vous faire? Attendre. Toujours? Que voulez-vous que je fasse? Où voulez-vous que j'aille? Je suis un soldat qu'on a oublié à son poste. Je dois y rester jusqu'au jour où l'on viendra me relever. Le prince Mazzazzoli n'avait pas permis qu'on restât ainsi dans une attente indéterminée. impatient, nerveux, affairé comme à l'ordinaire, et même beaucoup plus qu'à l'ordinaire, il avait exigé qu'on fît des recherches. Qui pouvait savoir si le colonel n'avait pas éprouvé un accident? Dans sa promenade du matin, il pouvait très bien être tombé au fond d'un précipice. Cela était même beaucoup plus probable qu'un départ invraisemblable, à quelque point de vue qu'on se plaçât pour l'expliquer. Il fallait chercher. Lui-même, bien que peu propre à courir la montagne, allait s'occuper de cette recherche. Au lieu de courir la montagne, Horace l'avait tout simplement descendu, et à la gare du chemin de fer, où il avait été faire une enquête, il avait appris que son maître s'était fait délivrer un billet pour Genève. Il était donc tout à fait inutile de chercher le colonel au fond des précipices des Dents de Naille ou de Jamant, alors qu'il était à Genève, ou tout au moins qu'il avait passé par cette ville. Alors le prince était rendu lui-même à Genève. Mais ce voyage ne lui avait appris rien de précis, et malgré son habileté, malgré sa finesse, il n'avait recueilli que des renseignements contradictoires. Sur le signalement qu'il avait donné du colonel, on lui avait dit qu'une personne répondant à ce signalement avait pris, à l'heure qu'il indiquait, un billet pour Paris. Mais en même temps, une autre personne, ressemblant jusqu'à un certain point à la première, avait pris un billet pour Saint-Jean-de-Maurienne. Laquelle de ces deux personnes était le colonel? L'une allait à Paris, l'autre allait certainement en Italie. Était-il vraisemblable que le colonel, qui au Glion se trouvait à une courte distance de l'Italie par le Simplon, fut revenu en arrière pour aller passer par le Mont-Cenis? Il était donc parti pour Paris. Cela paraissait probable, mais cependant sans nulle certitude. Qu'irait-il faire à Paris? Tandis qu'il avait de bonnes raisons, ou tout au moins, il devait avoir des raisons sérieuses pour aller en Italie, et notamment à Belmonte, pour faire une enquête sur Carmelita et sa famille. Le prince était revenu au Glion sans avoir pu se fixer à un point déterminé. Il était possible que le colonel fût à Paris, comme il était possible aussi qu'il fût en Italie, comme il était possible encore qu'il fût en Amérique. La seule chose certaine était qu'il n'y avait pas à le chercher dans les précipices des Dents de Naille ou de Jamant. Et comme sa nièce, le prince s'était demandé ce qui avait déterminé ce brusque départ. Mais il avait trop l'expérience des choses de ce monde pour rester court devant cette question. Le colonel avait voulu échapper à un mariage avec Carmelita. Cette conclusion était évidente. Il aurait fallu être aveugle pour ne pas la voir. Mais, comme sa nièce encore, lorsqu'il était arrivé à cette certitude, il était resté indécis devant un point obscur. Si le colonel avait voulu fuir, comme tout l'indiquait, pourquoi n'avait-il pas emmené Horace avec lui? Une seule hypothèse raisonnable s'était alors présentée à l'esprit du prince. En laissant Horace au Glion, le colonel avait voulu apprendre ce qui se passerait après son départ et comment ce départ serait supporté. Et si Horace paraissait stupéfait de ce départ, s'il disait ne rien savoir, il n'était pas sincère. En réalité, il savait parfaitement où son maître était, ce qui expliquait qu'il eût déployé si peu de zèle à le chercher dans les précipices de la montagne, et chaque jour, sans doute, il lui écrivait. De sa retraite, le colonel suivait donc l'effet produit par sa fuite. C'était un homme logique que le prince Mazzazzolier qui poussait les raisonnements jusqu'au bout. Arrivé à cette conclusion, il ne s'arrêta donc pas en chemin, et il se dit que cette précaution, ce besoin de savoir, indiquait sûrement une résolution indécise, aussi bien qu'une conscience troublée. S'il avait été parfaitement décidé à fuir Carmelita, le colonel ne se serait point inquiété de ce qui arriverait après son départ. Il serait parti et l'aurait emmené son valet de chambre avec lui. De ce que celui-ci restait au Glion avec mission d'observer ce qui s'y passait pour en avertir son maître, on devait conclure que le colonel pouvait revenir. Ce retour dépendait donc des lettres de Horace. En conséquence, il fallait que ces lettres fussent telles que le colonel, ébranlé dans son indécision et atteint dans sa conscience, fût obligé de revenir, qu'il le voulût ou ne le voulût pas. Pour obtenir ce résultat, deux moyens se présentaient. Acheter Horace, ou bien le tromper. Le prince, quoiqu'il n'eût qu'un parfait mépris pour la conscience humaine, n'osa pas proposer d'argent à Horace pour le mettre dans ses intérêts. Ce nègre, qui était un animal primitif, serait capable de refuser l'argent et d'avertir son maître. Il aimait mieux recourir à l'habileté, ce qui d'ailleurs était plus économique. Le lendemain, Carmelita garda le lit et l'on annonça qu'elle était malade. On dut même aller chercher un médecin, et comme le prince était sans domestique, il pria Horace de lui rendre le service d'aller à Montreux. Horace ne se serait jamais permis d'interroger le médecin, mais lorsque celui-ci sortit de la chambre de Carmelita, il entendit sans écouter une partie de la conversation qui s'engagea entre le prince et le médecin dans le vestibule. « Eh bien, demanda le prince, comment trouvez-vous notre malade? Elle me paraît sérieusement prise. » Ses plaintes dénotent en effet un état très douloureux. La tête, surtout, c'est de la tête qu'elle souffre. La nuit a été des plus mauvaises. Je n'ai rien remarqué de particulier de ce côté. Pas de fièvre et cependant une grande agitation. Quelques questions et leurs réponses échappèrent à Horace, mais bientôt il entendit le prince qui disait « Ne craignez-vous pas une fièvre cérébrale ?» La réponse n'arriva pas jusqu'à lui, au moins telle qu'elle fut formulée par le médecin, mais le prince voulut bien la lui faire connaître. On craignait une fièvre cérébrale, et le médecin était très inquiet. Horace se montra ému et le prince fut certain que cette émotion allait se communiquer au colonel. Il n'y avait qu'à attendre en entretenant cette émotion. Cette grave maladie, survenant tout à coup et coïncidant avec le départ du colonel, provoqua naturellement de nombreux commentaires chez ceux qui, continuant la tradition de Mademoiselle de Ratinelle, s'occupaient de l'américain et de l'italienne. Affable et poli avec tous, les grands aussi bien que les petits, le prince faisait un devoir de répondre longuement à ceux qui voulaient bien lui demander des nouvelles de la santé de sa nièce. Il les donnait, ces nouvelles, longues, abondantes et circonstanciées. Ce n'était pas heureusement la fièvre cérébrale, mais cette fièvre pouvait se déclarer d'un moment à l'autre. Au moins le médecin le craignait. Alors, saluant tristement, il s'éloignait pour ne pas laisser voir les larmes qui lui montaient aux yeux. Ceux qui l'observaient crurent remarquer que sa longue taille se voûtait, courbée sans doute sous le poids du chagrin. Et la pauvre mère, on la voyait descendre tous les jours à la gare pour s'en aller à Saint-Maurice entendre la messe. Il y avait des incrédules qui venaient dire tout haut qu'elle ferait mieux de rester auprès de sa fille pour la soigner. Mais, d'un autre côté, il y avait aussi de bonnes âmes qui étaient vivement touchées par ce zèle pieux. Quelle foi avoir dans la médecine ? Dieu seul est tout-puissant, et c'est à lui que nous devons demander le soulagement de nos maux, en implorant l'intervention de la très sainte Vierge et de tous les saints du paradis. C'était ce que faisait la comtesse Belmonte, et cela s'expliquait tout naturellement. N'était-elle pas italienne ? Partant de là, on comprenait même qu'il se mêla un peu de superstition à sa foi, et qu'elle fit dire certaines prières sur des objets appartenant à sa fille, ainsi que le rapportait une personne qui, par hasard, avait assisté à l'une de ses messes. Sans doute, c'était là une pratique religieuse exagérée. Mais à la fois la plus ardente, se mêlent aussi chez les Italiens certaines pratiques qui, après tout, sont respectables. On ne saurait trop croire, on ne peut trop prier. L'objet sur lequel la comtesse Belmonte faisait ainsi dire des prières par le moine italien, qui naguère consacrait les poudres avec lesquelles elle frottait les ustensiles de table qui servaient au colonel, était un mouchoir blanc. Mais chose étrange, qui eût certainement bien surpris la personne qui avait vu ce mouchoir, si elle avait pu le déplier, c'est qu'au lieu d'être marqué d'un C et d'un B, qui étaient les initiales de Carmelita, il portait, brodé à l'un de ses coins, de petites lettres qui n'avaient aucun rapport avec le nom de la pauvre malade, un E et un C. E, C, à qui ces deux lettres pouvaient-elles s'appliquer ? En cherchant avec un peu de sagacité, on fut peut-être arrivé à découvrir quelles étaient les initiales du colonel Édouard Chamberlain. Mais on ne s'amusa pas à faire cette recherche, par cette bonne raison qu'on ne vit jamais les marques de ce mouchoir. Mais si la curiosité publique ne fit aucune découverte intéressante à propos de ce mouchoir, d'un autre côté elle fut plus heureuse, et quelques mots d'une conversation entre le prince Mazzazzoli et sa nièce, qu'on surprit un jour, apportèrent un élément nouveau aux conversations des hôtes du Rigi. En effet, on avait l'habitude, lorsqu'on passait devant la porte de la chambre occupée par la malade, de ralentir le pas et de marcher légèrement. Les uns prenaient cette précaution par commisération pour ne pas troubler le repos de celle qui souffrait. Les autres, moins charitables et moins tendres, trouvaient qu'en ne faisant pas de bruit soi-même, on avait quelque chance d'entendre ce qui se disait derrière cette porte fermée. Comment allait la malade ? On pouvait ainsi s'en rendre compte en écoutant. Pas de bruit dans sa chambre, elle éprouvait un peu de calme. Du bruit, des paroles, elle avait la fièvre. Un jour, qu'un des curieux aux fines oreilles passait devant cette porte, il entendit une conversation à haute voix qui semblait indiquer une altercation ou tout au moins une discussion. L'une de ces voix était celle du prince Mazzazzoli, l'autre celle de Carmelita. « Una schiocca, » disait le prince, « una schiocca. » Celui qui écoutait comprenant l'italien savait ce que « schiocca » signifiait. « Pourquoi le prince disait-il à sa nièce qu'elle était une oie ?» Car c'était bien à la belle italienne que ces paroles s'appliquaient. S'il y avait pu exister des doutes à ce sujet, Carmelita, par sa réponse, prit soin de les dissiper. « Pourquoi me dites-vous que je suis une oie ? » répliqua-t-elle. « J'ai fait ce que vous m'avez commandé de faire, maladroitement. »« J'ai dit ce que vous m'avez commandé de dire, bêtement, j'en suis certain, comme une oie, comme une vraie oie. »« Si vous croyez que je suis une oie, pourquoi m'imposez-vous un rôle que je suis incapable de remplir ?» « Oui, schiocca, schiocca, schiocca !» Et 5 ou 6 fois il répéta le mot, qui dans sa bouche prenait un accent étrange, tout à fait caractéristique. Un domestique, qui ouvrit la porte d'une chambre voisine, obligea le curieux à continuer son chemin et à ne pas écouter la fin de cet entretien. Mais ce qu'il avait ainsi surpris au vol était plus que suffisant pour lui donner à réfléchir. Comment le prince Mazzazzoli pouvait-il traiter avec cette dureté une pauvre jeune fille gravement malade ? Pourquoi était-elle une oie ? Que lui avait-il commandé de faire ? Que lui avait-il commandé de dire ? Il y avait là toute une série de questions intéressantes à examiner, et qu'on examina en effet en se jetant dans des conjectures et des explications plus ou moins vraisemblables. Cependant, le temps s'écoulait, et la maladie de Carmelita prenait un caractère de plus en plus inquiétant. Le prince paraissait accablé, et toutes les fois qu'il parlait de sa nièce à Horace, c'était avec des tremblements dans la voix et des larmes dans les yeux, de plus en plus convaincu que ces larmes et ces tremblements passeraient dans les lettres du nègre. « Vous aussi, disait-il, vous avez vos tourments, mon pauvre garçon, et je vous plains sincèrement d'être ainsi sans nouvelles de votre maître, que vous aimez tant. » Il y avait déjà 10 jours qu'Horace était sans nouvelles de son maître, qu'il aimait tant, lorsqu'un matin on lui remit une lourde enveloppe portant le timbre de Paris et dont l'adresse était écrite de la main du colonel. Dans cette enveloppe se trouvaient 4 lettres, une pour lui, dans laquelle le colonel lui disait de venir le rejoindre à Paris, une pour le prince Mazzazzoli, une pour la comtesse Belmonte, la 4e enfin pour mademoiselle Carmelita Belmonte.